بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، donc mes frères bien-aimés, de par la grâce d'Allah subhanahu wa azzawajal et ses bienfaits sur nous, nous poursuivons les cours de cette soirée qui sont des cours à travers lesquels nous sommes en train de citer les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses merveilleux attributs dignes de lui subhanahu wa ta'ala. De même, nous essayons de citer une explication de leur sens et de leur portée avec certaines règles et jugements liés à tout cela. Nous sommes toujours en train de traiter ces merveilleux noms et les plus beaux, le grand pardonneur, le très pardonneur et l'absoluteur. Donc, Al-Ghafour et Al-Ghaffar et Al-Afou. Et la dernière chose que nous avons vue ensemble, c'était la portée de ces noms. Donc, nous avons vu la définition, ensuite nous avons vu la portée de ces noms, quelques-unes des portées de ces noms. Et le dernier point que nous avons cité, c'est que parmi les fondements du jugement d'Allah, le Très-Haut, de sa royauté et de sa gestion, le fait de faire précéder sa miséricorde sur sa colère et sa clémence sur ses reproches, sa bienfaisance sur son châtiment, et il ne veut pas la perdition de ses serviteurs, mais il veut pour eux le salut et leur en a préparé les voies. Donc nous avons cité ce que notre Seigneur le Tout nous a permis de citer à ce sujet. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azzawajal, nous poursuivons et nous citons, Inch'Allah Azzawajal, le sixième et dernier enseignement parmi les enseignements de ces noms d'Allah Azzawajal. Ensuite, nous citerons également ce que notre Seigneur nous permet de citer dans la continuité de la construction de ce cours. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'implore succès, rectitude et droiture et guidé à travers ce qui va être dit. Donc nous avons cité précédemment, un certain nombre d'explications relatives à ces noms d'Allah Azza wa Jal qui font référence au pardon et à l'absolution des péchés. Et nous avons bien sûr vu un certain nombre d'aspects, d'éléments qui prouvent qu'Allah Azza wa Jal est grand pardonneur, très pardonneur. Nous avons vu également que Allah Azza wa Jal a établi une règle dans sa création et le fait qu'il fait précéder sa miséricorde sur son châtiment, sa bonté sur ses reproches, ses bienfaits sur sa colère. Mais après tout cela, qu'en est-il de celui à qui Allah n'accorde pas la miséricorde et le pardon ? Qu'en est-il d'une telle personne dont Allah Azza wa Jal n'absout pas ses péchés ? Certes, il y a des gens qui n'auront pas la miséricorde d'Allah, sa clémence, son pardon. Qu'en est-il ? Allah les aurait-il oubliés ? Élevé soit-il. Sa miséricorde serait restreinte et pas suffisante pour les englober tous ? Purifié et élevé soit-il. Les aurait-il oubliés ? Purifié et élevé soit-il. Aurait-il un juste trop sévère envers eux. Purifié et élevé soit-il. Celui qui n'est pas sauvé après cela, c'est par son propre choix. C'est par son propre choix, par une injustice de sa part envers sa propre personne, une persistance dans la désobéissance et le détournement des voies du salut. En effet, on aurait dit que si on aurait voulu échapper à la miséricorde d'Allah, on n'aurait pas pu, tellement elle englobe toute chose. Et Allah est noble. Allah, c'est le Seigneur des mondes. Allah est noble et c'est le Seigneur des mondes. C'est le roi des rois, le juge suprême. De ce fait, si la personne fait ce qui le prive de la miséricorde d'Allah et de sa clémence et de son pardon, Allah le privera. Si une personne choisit le mauvais chemin, si elle persiste, si elle s'enorgueillit, si elle n'a pas peur d'Allah, si elle n'a pas peur de son châtiment, si on lui donne le choix entre ses passions et le repentir, elle préfère et privilégie ses passions, cette dunya, ses bienfaits. Alors cette personne aura fait un choix. Elle aura choisi son sort. Elle aurait été injuste envers elle-même en commettant tous ses péchés de manière répétitive, de manière insolente, de manière rebelle. Et elle aurait refusé d'être enveloppée et englobée par la miséricorde d'Allah. Cette personne aura commis une injustice envers elle-même, comme Allah a décrit ceux qui font les péchés dans le Coran. Il les a décrits comme étant des personnes qui commettent des injustices envers leur propre personne. Ils font jahal, une ignorance envers leur propre personne également. Donc, ces personnes sont ceux qui persistent, s'attachent, s'enorgueillissent, ne veulent pas se rabaisser dans la soumission d'Allah, dans la reconnaissance de leur erreur, dans leur infériorité. De ce fait, ils tournent le dos. Ils craignent Allah. Arrête de dire ces obscénités. Arrête de faire ces mauvaises choses. Repends-toi vers Allah. Demande le pardon auprès d'Allah. Et la personne refuse, rejette. Et son cœur n'est pas présent. Si elle le fait, alors une telle personne aura par ses mains scellé son sort. Aura par ses actes choisi sa finition, sa fin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si avec tous les éléments que nous avons cités et qui peuvent être établis, approfondis très largement, nous verrons quelques exemples un peu plus tard, Inch'Allah, si avec tout cela la personne n'est pas pardonnée et vient avec des péchés comme des montagnes, c'est elle qui aurait choisi et c'est sa faute. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde sa miséricorde et nous guide pour ne pas faire partie de ces personnes. Amen. Nous avons cité, appuyé, répété et soutenu le fait qu'Allah Azza wa Jalla pardonne énormément les péchés et qu'il a facilité son pardon énormément et qu'il a établi des causes par lesquelles il pardonne les péchés. Il convient, Inch'Allah Azza wa Jalla, de citer quelques-uns de ces causes qu'Allah Azza wa Jalla a établi pour pardonner les péchés, pour absoudre les erreurs. C'est comme une parenthèse, mais très liée à notre cours. Car ce que nous allons citer, ça nous explique, ça nous démontre très clairement et très concrètement que veut dire qu'Allah est très pardonneur, grand pardonneur. À travers tous les éléments qu'il a mis, toutes les causes qu'il a mis pour nous pardonner. Et vous allez voir que certaines de ces causes sont incroyables, qui relèvent de la grandeur de notre Seigneur, de sa beauté, de sa bonté, subhanahu wa ta'ala. Le tout premier, parmi les causes, la toute première parmi les causes qu'Allah Azza wa Jalla a établies pour pardonner les péchés, c'est sa pure volonté, l'unicité et la bonne croyance. Le simple fait qu'Allah veuille pardonner à un tel, même si un tel n'a pas fait les causes pour, ceci suffit afin qu'Allah Azza wa Jalla pardonne. Rappelez-vous que nous avons dit que Allah Azza wa Jalla est seul juge. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut le reprendre. C'est son choix, sa création, sa propriété. Il en fait ce qu'il veut. Il établit lui-même des règles qu'il respecte lui-même et il fait les exceptions que lui choisit et définit et décrète. Parmi ceux-là, il y a le fait qu'il pardonne à qui il veut, même si cette personne n'a pas fait les causes. Le second élément, c'est le tawhid. Que la personne n'ait pas un quelconque polythéisme dans son cœur ou dans sa parole ou dans ses actes. Qu'il n'adore aucune adoration, quelle qu'elle soit, sous quelque forme qu'elle soit, à personne d'autre qu'Allah. Il a l'unicité d'Allah, pleine, parfaite et totale. La personne qui a cela, ce simple fait, ce tawhid, c'est une cause de par laquelle Allah Azza wa Jalla pardonne les péchés. Il se peut qu'une personne monte, dise un mensonge. C'est un grand péché le mensonge. C'est un grand péché. Mais parce que la personne a le tawhid dans son cœur, dans son être, il se peut, et c'est Allah qui choisit, qui décide et qui décrète, qu'Allah Azza wa Jalla lui pardonne son mensonge par son tawhid. L'autre élément, c'est la bonne croyance. En effet, si une personne a une croyance authentique et conforme, comme Allah Azza wa Jalla l'a enseigné, l'a décrété dans le Coran ou dans la Sunna, alors cette bonne croyance peut être une cause de par laquelle Allah Azza wa Jalla lui pardonne les péchés. Les preuves viennent, Inch'Allah. Et bien sûr, dans chaque élément, je ne cite pas beaucoup de preuves, que quelques-unes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, noble et majestueux, soit-il, a dit, quiconque vient avec une bonne action aura 10 fois son équivalent, ou davantage. Et quiconque vient avec une mauvaise action, un péché, sa rétribution sera une mauvaise action équivalente. Justice. Les bonnes actions, il y a la bonté, une est systématiquement multipliée par 10, voire par plus, c'est une bonté, une grâce. Avec les péchés, c'est l'équité, c'est la justice. Tu fais une, tu auras une. Après, il a dit, et quiconque vient avec une mauvaise action, sa rétribution sera une mauvaise action équivalente, ou bien je pardonne. Il pardonne. Il n'a pas cité... Il n'a pas dit que la personne va se repentir, demande le pardon, fait des bonnes actions, non. Elle fait une mauvaise action, soit par justice je lui donne une mauvaise action, je lui inscris une mauvaise action, soit par bonté et grâce je lui pardonne. Et Allah fait ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut, il décrète ce qu'il veut, et il accorde sa bonté à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui en hâte. Et celui qui me rencontre avec l'équivalent de la terre, en faute, mais sans associer quoi que ce soit, sans m'associer quoi que ce soit, je le rencontre avec l'équivalent de pardon. Subhanallah, la terre tout entière remplie de péchés. À la seule condition que cette personne n'a pas de shirk, de ce fait, elle a le tawhid, le simple tawhid peut être une cause de par laquelle Allah pardonne tout l'équivalent de toute la terre remplie de péchés. Voyez mes frères, pourquoi on parle de tawhid et on répète? On parle de tawhid et on le répète à ceux qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, à ceux qui font la prière, le jeûne. Mais c'est pas une chose qui est su, qui est totalement réalisée par toute la communauté et qu'on en parle quand même. Non, parce qu'il y a des défaillances, il y a des erreurs, il y a des péchés, il y a du shirk dans la communauté. Combien de personnes jurent par autre qu'Allah? Combien de personnes disent « Grâce à mon système d'alarme, les voleurs sont partis ». Combien de personnes disent « Grâce à ce traitement ou bien cette méthode, j'ai perdu du poids ou bien j'ai une meilleure santé ». Combien de personnes, vous savez bien, vont devant des dômes, des tombeaux. Combien de personnes font du sihr. Combien de personnes demandent à madame une telle ou à un chat qui est-ce qui va gagner la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. Combien de personnes, le sihr, je ne vais rien vous apprendre, que le sihr est trop répandu dans la communauté musulmane. Dans quelques pays que vous allez savoir que vous allez apprendre que le sihr bat son plein. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, dans les pays du Caucase, partout. Et c'est du shirk. Donc, celui qui vient vers Allah. Donc voilà pourquoi. Il est très important de parler de ça et de le connaître et de le répéter et d'attirer l'attention à la gravité du shirk et au bienfait et au mérite du tawhid, sans se lasser. Parce que regardez, vous allez voir combien de fois le shirk est une condition, une chose qui fait, qui te prive du pardon d'Allah. Et que le tawhid seul est une cause par laquelle Allah peut effacer tes péchés, même s'ils auraient rempli la terre tout entière. Et celui qui me rencontre avec l'équivalent de la terre, en faute, en péché, en désobéissance, sans m'associer quoi que ce soit, je le rencontre avec l'équivalent en pardon. Dans un autre hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah, élevé soit-il, a dit, « Celui qui sait que je suis doté du pouvoir de pardonner les péchés, je lui pardonne. Et je m'en soucie point tant qu'il ne m'associe rien. » Ce hadith fait référence à la bonne croyance. Celui qui sait, qui a la science, et la conviction, la croyance et la foi, que je suis doté, que j'ai le pouvoir et la capacité de pardonner tous les péchés. Il n'y a aucun péché qui est trop grave pour que je ne puisse le pardonner. Tous les péchés rentrent dans mon pardon, dans la possibilité d'être pardonné. Tu as cette croyance. Cette simple croyance, cette unique croyance peut être la cause de par laquelle Allah Azza wa Jal te pardonne. Celui qui sait que je suis doté du pouvoir de pardonner les péchés, je lui pardonne. A-t-il cité un repentir, un demande de pardon, une bonne action? Non, rien. Uniquement la bonne croyance. Celui qui sait que je suis doté du pouvoir de pardonner les péchés, je lui pardonne et je m'en soucie point. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci pour Allah de pardonner. Comme nous avons vu, les bonnes actions de ceux qui font les bonnes actions n'ajoutent rien au royaume d'Allah. Les mauvaises actions de ceux qui font les mauvaises actions ne diminuent rien dans le royaume d'Allah. Le châtiment que subit ceux qui iront en enfer ne rajoute rien dans le royaume d'Allah. Et les bienfaits qu'auront les gens du paradis n'augmentera en rien le royaume d'Allah. Donc Allah Azza wa Jalla ne se soucie point de pardonner tant qu'il ne m'associe rien. Condition, encore et toujours, persistante. La condition pour avoir la bonté, les bontés d'Allah, ses grâces, c'est de ne rien associer à Allah. Tu es dans cela. Alhamdoulilah, loue Allah. Voilà, tu dis, oui, Alhamdoulilah, moi je ne me prosterne pas devant autre qu'Allah, moi je ne sacrifie rien devant autre qu'Allah. Je ne fais pas du shirk, Alhamdoulilah. Je fais attention. Alhamdoulilah, tu es choisi, tu es élu. Allah t'a choisi, Allah t'a élu, Allah t'a guidé à cela. Mais regarde à droite et à gauche, à ta droite et à ta gauche, devant toi et derrière toi, combien y a-t-il de personnes qui n'ont pas eu ce privilège qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la nuit, lors de la nuit du milieu de Sha'ban, Allah, noble et majestueux soit-il, pardonne aux habitants de la terre, sauf à un associateur ou une personne ou à une personne en discorde. Ce hadith, bien sûr, a été choisi entre autres parce que nous sommes dans les portes de 7 jours, ou bien à proximité de cette nuit. Le prophète alayhi sallam a dit lors de la nuit du milieu de Sha'ban, Allah Azza wa Jal pardonne à tous les habitants de la terre. A-t-il cité une action, un état? Rien. Allah pardonne. Comment il pardonne? Parce que c'est tout miséricordieux, très miséricordieux. Parce que c'est le clément, le pardonneur, le bienfaiteur, le... C'est Allah. Pourquoi on l'adore? Pourquoi on se prosterne? Pourquoi on prie? Pourquoi on dit ça? Allah a dit que c'est haram, alors je ne le fais pas. Allah a dit que c'est obligatoire, je le fais. Parce que voilà. Parce que c'est celui qui a les merveilleux noms, les plus beaux noms et les merveilleux attributs. Parce qu'il est digne d'être une divinité, un Dieu, un Seigneur. Notre Dieu, notre Seigneur, notre divinité. C'est pour cela qu'on adore. Voyez comment il est décrit, subhanahu wa jal. Il te pardonne. Il a décidé, il a choisi, il a décrété que cette nuit, il pardonne à tout le monde. Tu veux dire bonus? Dis bonus. Mais privilégiant de dire que c'est une miséricorde d'Allah, qu'il l'accorde à qui il veut. Après, il a dit, sauf à qui? Mushrik. Encore une fois. Vous voyez comment le mushrik, celui qui fait du shirk, à quelque niveau qu'il soit, se prive lui-même des grâces d'Allah. Après, il a dit, celui qui est en discorde, en arabe, mushahin. Mushahin, cela veut dire une personne qui a de l'animosité avec une autre personne pour une chose futile parmi les choses de la dunya. Vous voulez un exemple? Mahlish. Deux pays, deux peuples, deux personnes, deux groupes de personnes, deux populations qui ont de l'animosité les uns envers les autres parce que l'équipe des uns a un maillot différent de l'équipe des autres au football. Et que un a battu l'autre, l'autre a perdu, l'autre. Et ils sont dans une discorde, dans une dispute, dans une animosité, dans une rivalité, au point de s'insulter la sœur, la mère, la grand-mère, le père, le grand-père, le frère, le sœur. Tout le monde, ils insultent. Et ils disent des obscénités. Et d'autres personnes mettent le bois dans le feu. Pourquoi? Pour le foot. C'est une raison valable de prendre ton frère, ta sœur, un musulman, une musulmane comme toi, de les prendre pour ennemis, de les détester, de privilégier les kuffars à eux et de dévoiler leurs défauts. Bah, qui n'a pas de défauts? Et tout le monde connaît les défauts de tout le monde. Pourquoi? Pour du foot. Et qui n'a jamais perdu dans le foot? Dites-moi. Qui n'a jamais perdu? Tout le monde perd. Et des fois, une personne gagne. Donc, à cause de ça, de cette animosité qui est due à une obscénité qui est le foot, qui regorge d'interdits, de haram, il est à craindre que ces personnes qui sont dans ce tourbillon de mal est à craindre qu'il ne soit pas englobé par la miséricorde d'Allah le jour de la nuit de Sha'ban. Quel que soit ton pays. Là, c'est la canne qui vient de passer, même si ce n'est pas la canne. Même si c'est une autre chose. Et même si ce n'est pas le foot. Tant que l'animosité réside dans le cœur pour une chose qui n'est pas licite et valable, cette personne est privée du pardon d'Allah Azzawajal la nuit de Mishaban. Que ce soit une rivalité commerciale, une rivalité, peu importe. Si ce n'est pas basé sur un bon fondement, alors tu te prives toi-même de cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah azawajal nous quitte. La seconde cause qu'Allah azawajal a établie pour pardonner les péchés, pour absoudre les péchés, c'est l'accomplissement des obligations. C'est bizarre, c'est ajib. Tu fais une obligation, donc c'est impératif de le faire. Tu as été créé pour adorer Allah. Et qu'est-ce que l'adoration d'Allah ? C'est lui obéir et te soumettre. Quand tu te soumets, tu fais ce pour quoi Allah t'a créé. Tu réalises ton objectif dans ta vie. Et tu fais ce qui est nécessaire pour ton salut. Tu fais cela, certes, tu auras tes récompenses. Et il n'y a qu'Allah Azzawajal qui sait quelles sont-elles ces récompenses. Mais tu imagines combien est grande la bonté d'Allah. Après cela et avec cela, Allah Azzawajal t'accorde encore plus. Tu as fait une obligation. On a abondi la shukra ala wajib. Il n'y a pas de remerciement pour avoir accompli une bonne action. Les sages disent non, c'est faux. On peut et on doit remercier celui qui fait une chose qui est obligatoire. Il n'y a pas de mal à le faire. Et même c'est bien de le faire. La preuve étant, Allah Azza wa Jal, celui qui fait une chose obligatoire, il lui donne la récompense et il lui donne aussi ce qu'on peut dire pour se comprendre, un bonus, une chose supplémentaire, qui est le fait qu'il lui pardonne ses péchés. Il a menti, il a fait dhor, si Allah le veut, s'il décide, il lui pardonne le fait d'avoir menti. Et ainsi de suite, sur tous les autres péchés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est aucun homme musulman à qui survient une prière obligatoire et qui en accomplit correctement les ablutions, la concentration, l'inclinaison et la prosternation sans qu'elle ne soit une expiation des péchés commis auparavant, tant qu'il ne commet pas de péché majeur. Et cela vaut toute la durée de sa vie. Une personne qui fait une prière obligatoire, ad-dohr. Pour cela, il fait ses ablutions. Bien sûr, il faut les faire dans les règles. Il fait bien ses ablutions. Lorsqu'il lave ses mains jusqu'au coude, il ne va pas s'arrêter là. Allah lui a dit de continuer jusqu'au coude. Il s'arrête là, il n'a pas bien fait les wudu, son wudu, alors ce n'est pas valide. Donc, si juste il fait bien son wudu, correctement et conformément, et qu'il fait une prière correcte et conforme, avec son khushu', sa présence d'esprit, la crainte d'Allah, il fait bien l'inclinaison, il fait pas comme il ne becte pas sa prière, comme ça on dit, hein? Il ne becte pas sa prière comme les volatiles le font, le coq le fait, Allah Azza wa Jal lui pardonnera ses péchés précédents. Et là, sa récompense est assurée, on n'en parle même pas. Mais Allah lui pardonne ses péchés précédents. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une obligation impérative pour laquelle il a été créé. Allah Azza wa Jalla lui rajoute. Et ses péchés précédents, ils sont pardonnés. Allah a mis une condition comme quoi il ne faut pas que ce soit des péchés majeurs. Des péchés majeurs, comme disent les savants, nécessitent un repentir spécifique. Donc tu fais dhuhr. Tous les péchés que tu as fait avant d'or sont pardonnés, les péchés mineurs. Tu fais l'asr, tous les péchés mineurs que tu as fait avant l'asr sont pardonnés. Tu fais le maghrib, de même, et ainsi de suite. Et avec cela, les péchés que tu as fait le matin à 10h peuvent être pardonnés par la prière de d'or, et la prière de asr, la prière de maghrib, la prière de isha, et ainsi de suite. Donc si un péché... Si tu as fait une prière avec une petite défaillance dans son inclinaison, dans sa concentration, il se peut que tous les péchés ne soient pas pardonnés, mais avec l'autre prière et l'autre prière et l'autre prière, tes péchés soient pardonnés. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les cinq prières, la prière du vendredi, à la prière du vendredi, et le mois du ramadan, et le mois du ramadan, et le jeûne du mois du ramadan, ou jeûne du mois du ramadan suivant, sont des expiations pour ceux qui se trouvent entre eux, lorsque les péchés majeurs sont évités. » Ajib. Tu fais dhuhr, les péchés d'avant dhuhr sont pardonnés. Tu fais l'asr, les péchés d'avant l'asr sont pardonnés. Et vu que tu as fait dhuhr et l'asr, les péchés entre les deux sont pardonnés. Mais ils ont été pardonnés avec l'asr. Ma'lish, une seconde couche. Parce que si, avec le premier pardon, ils n'ont pas été pardonnés pour une raison quelconque, avec le second pardon, peut-être qu'ils seront pardonnés. Donc, le fait d'avoir accompli deux prières successives, ceci est une cause par laquelle Allah te pardonne tes péchés. La prière du vendredi à la prière du vendredi. Tu fais la prière du vendredi cette semaine et tu fais la prière du vendredi l'autre semaine, les péchés que tu as fait entre les deux seront pardonnés. Mais ils ont été pardonnés par les prières que j'ai fait pendant cette semaine. Ils ont été pardonnés par le fait d'avoir fait une prière après une prière. Une grâce, une bonté, une miséricorde, un bonus encore venant d'Allah Azza wa Jalla. Si jamais pendant cette semaine tu as mal accompli ta prière pour cette raison, certains de tes péchés n'ont pas été effacés. Le fait d'avoir fait Jumu'ah aujourd'hui, la Jumu'ah semaine prochaine, tes péchés seront effacés. Et le Ramadan au Ramadan, les péchés qui sont entre les deux sont pardonnés. Mais ils n'ont pas été pardonnés par les cinq prières. Ils n'ont pas été pardonnés par les Jumu'ah. Oui, encore une autre couche. Un autre pardon supplémentaire et complémentaire et additionnel. Allah te pardonne. Voyez, pourquoi on dit grand pardonneur, très pardonneur. Il pardonne et il pardonne jusqu'à ce qu'il te reste rien. Si tu choisis, si tu choisis le chemin qui te mène vers ces bontés d'Allah Azza wa Jal. Mais si tu tournes le dos, et tu fais ce qui te prive de ces grâces d'Allah Azza wa Jal, ça sera ton choix. Tu auras choisi le chemin qui t'emmène vers l'autre côté. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La umra jusqu'à la umra suivante est une expiation pour les péchés et les fautes commis entre les deux. Et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le paradis. » Le pèlerinage, la umra, quand tu fais la umra cette année, et dans plusieurs années, tu refais la umra. Vous savez, les gens ne font pas la umra chaque année. C'est rare. Donc ça veut dire que tu fais la umra cette année, et dans 5 ans, tu refais la umra. Le fait d'avoir fait ces deux umra, tes péchés entre les deux seront pardonnés, même pendant 5 ans. Mais tes péchés n'ont-ils pas été pardonnés par le ramadan, par les ramadans que tu as fait? N'ont-ils pas été pardonnés par les jumu'ah que tu as accomplis? N'ont-ils pas été pardonnés par les prières? Oui, une grâce, une bonté. Il revient, et il revient, il pardonne, et il pardonne, et il pardonne, et il pardonne, et il pardonne. Élevé et majestueux soit-il. Et le pèlerinage, le hajj, n'a de récompense autre que le paradis. Dans une autre version, le prophète alayhi salam a dit « Celui qui accomplit le pèlerinage reviendra comme le jour où sa mère l'a mis au monde. » Il faisait référence à quoi? Au péché. Il y a des péchés qui sont lourds, des fois impardonnables, graves. Mais si la personne fait l'effort qui s'impose pour aller faire le hajj, et il fait un hajj mabrour, un hajj comme Allah l'a prescrit, sans défaillance majeure, Allah Azza wa Jal lui pardonnera tous ses péchés. Et il reviendra chez lui, propre, pur, saint, sans le moindre péché sur ses épaules. Que de grâce et de bonté d'Allah subhanahu wa azzawajal. Pourquoi? Pour nous pardonner nos péchés, subhanahu wa ta'ala. La troisième cause qu'Allah azzawajal a établie pour le pardon des péchés, c'est l'invocation, le repentir et la demande de pardon. Et ceci est une chose qui est très connue dans le Coran, dans la Sunna. Il y a plein de versets, de hadiths à ce sujet-là. Parmi ceux-là, parmi les hadiths les plus touchants et percutants, on a le hadith divin dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô mes serviteurs, vous êtes ceux qui commettent des fautes nuit et jour, et moi, je pardonne les péchés, et je ne m'en soucie pas. Alors, demandez-moi le pardon, et je vous pardonnerai. » C'est qui atteste que les gens font des péchés nuit et jour? C'est pas l'imam, c'est pas le savant, c'est pas le voisin, c'est pas le père, c'est pas... Non, c'est Allah, le Seigneur des mondes, celui qui sait toutes choses et qui voit toutes choses. Il dit que nous, serviteurs d'Allah Azzawajal, on fait des péchés nuit et jour. Ce qui insinue qu'on fait beaucoup de péchés. Nuit et jour, jour après jour. Et ça veut dire quoi un péché? Ça veut dire être rebelle et transgresser les lois et désobéir. Non pas au président du pays, non pas à un roi, mais à Allah, le Seigneur des mondes, le roi des rois, le juste suprême. C'est grandiose, c'est grave, c'est énorme. Mais sa miséricorde est encore plus grande. Sa bonté et sa grâce sont énormes. Mais ô mes serviteurs, vous fautez nuit et jour. Et moi, je pardonne tous vos péchés. Ô Seigneur, que doit-on faire pour que tu nous pardonnes? Demandez mon pardon. Tu fais un péché, tu reviens repentant et regrettant vers moi, et tu dis, ô Allah, j'ai fauté, pardonne-moi. Je reconnais mon erreur, je reviens repentant vers toi. Et je pardonne. Voyez, le simple fait de dire avec ta langue, avec le cœur présent et sincèrement, ça suffit pour pardonner les péchés que tu as pu faire tant et tant de fois. La quatrième cause par laquelle Allah Azzawajal pardonne les péchés et les absout, c'est l'accomplissement des œuvres surérogatoires et des actes de rapprochement. Je vais vous citer quelques exemples, mais ce n'est que quelques exemples. Il y a beaucoup d'autres. Mais c'est juste pour voir la grande miséricorde d'Allah. Et combien il nous accorde sa miséricorde et son pardon de manière sans compter, de manière absolue, de manière énorme, subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous indiquerai-je pas ce par quoi Allah efface les fautes et augmente les bonnes actions ?» Par faire les ablutions malgré le désagrément, multiplier les pas vers les mosquées et attendre la prière après la prière. Si une personne fait ses ablutions correctement, il n'y a pas de plus, il n'y a pas d'extra, juste tu fais tes ablutions correctement, même une fois, tu les fais correctement alors que tu es dans un désagrément. Il fait froid, tu es fatigué, tu as des manches longues que tu dois retrousser. Tout autre chose, l'eau est froide, tu n'as pas avec quoi t'essuyer après. Quel que soit le désagrément, si tu fais tes ablutions de manière correcte et conforme, Allah Azza wa Jalla te pardonnera tes péchés et augmentera tes récompenses. Tu multiplies les pas vers la mosquée, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu vas à la mosquée et tu reviens après, tu repars à l'autre prière et tu reviens après, tu repars à l'autre prière et tu reviens. Tu repars à l'autre prière et tu reviens. Allah Azza wa Jalla te pardonnera tes péchés et multipliera tes bonnes actions. Et attendre une prière après une prière. Tu as fait le maghrib, tu sais que si tu vas rentrer à la maison, tu vas prendre ton téléphone, tu vas regarder tout et n'importe quoi, tu vas allumer la télé, tu vas voir tout et n'importe quoi, tu vas rencontrer des gens, vous allez parler de lui, il a acheté, lui il a vendu, l'autre elle est passée, l'autre est parti. Ça me saoule. Pourquoi ne pas rester dans la mosquée, tranquille? Je fais quelques rak'at, 2, 4. Je prends mon mushaf, je lis la parole d'Allah Azza wa Jal, je fais le tisbih, l'istighfar, et j'attends la prière. Je vais gagner quoi en partant à la maison pendant 20 minutes pour arriver, le temps de monter à l'étage, je vois ce qui se passe à la maison, peut-être je me prends la tête avec madame. Ça, il faut ça. Après, je repars, tout mon temps est parti dans le fait de marcher, revenir et peut-être faire des choses qui sont incorrectes. alors mieux vaut rester à la mosquée, on fait des bonnes actions, et en plus, le fait de rester entre, à la mosquée entre deux prières, ça absout tes péchés et ça multiplie tes bonnes actions. Le jeûne, le jour de Arafat, est une expiation pour une année écoulée et pour l'année à venir. Une autre cause parmi les causes qu'Allah Azzawajal a établies. Tu jeûnes un jour, le jour de Arafat. En jeûnant ce jour, Allah te pardonne les péchés de l'année passée, les péchés de l'année à venir. Alors, ils ont été pardonnés par le Ramadan, par le Jumu'ah et par les cinq prières. Et... celui qui dit au matin, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul sans associé. À lui la royauté et à lui la louange. Il donne la vie, il donne la mort et il est capable de toutes choses. Si celui qui dit ça 10 fois, Allah lui inscrit pour chacune 10 bonnes actions et lui efface pour chacune 10 mauvaises actions, etc. Il y a d'autres récompenses. Donc cette invocation, ça fait partie des invocations du matin et du soir. Si tu l'as dit 10 fois chaque fois, Allah te pardonne 10 péchés. Et chaque fois que tu le dis au matin, au soir et chaque jour, Allah te pardonne 10 péchés. Celui qui dit, je demande le pardon à Allah, lui, en dehors de qui il n'y a nulle divinité digne d'adoration, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et je me repens à lui. Celui qui dit cela 3 fois, ses péchés lui sont pardonnés même s'il fuyait du combat. Vous savez que parmi les jugements d'Allah, lorsqu'il y a un combat légiféré avec tout ce qu'il faut, le musulman n'a pas le droit de se sauver. Il n'a pas le droit de déserter le terrain de la bataille. C'est haram, c'est un grand péché. Mais celui qui aurait fait ça, mais dit cette invocation 3 fois, Allah lui pardonnera les péchés qu'il a faits, même s'ils étaient aussi graves que ce grand péché. Ça veut dire que les péchés mineurs, ils seront forcément pardonnés, Inch'Allah Azzawajal. Et même les grands péchés, il est à espérer qu'Allah Azzawajal les pardonne avec cela. Lorsque le musulman sort vers la mosquée, Allah lui inscrit pour chaque pas qu'il accomplit une bonne action et lui efface par celui-ci une mauvaise action jusqu'à ce qu'il atteigne à sa place. Chaque pas que tu fais pour aller à la mosquée, Allah te pardonne un péché et t'inscrit une bonne action. Et compte les pas que tu fais pour aller de chez toi à la mosquée. Et ceci s'inscrit quand tu vas pour le Dhuhr, quand tu vas pour le Asr, quand tu vas pour le Maghrib, quand tu vas pour le Isha, aujourd'hui, demain, il y a à chaque fois. Et imagine le nombre de péchés qui sont absous et pardonnés, et le nombre de récompenses qui sont multipliées. Je clôture avec un dernier élément, et qadarullah, le reste, on ne les verra pas, c'est accorder son pardon aux gens. Donc le dernier élément que nous allons citer, ce n'est pas le dernier, mais c'est juste, on n'a plus le temps, c'est le pardon accordé aux gens. Parmi les causes du pardon d'Allah Azzawajal, c'est que les gens accordent leur pardon à ceux qui ont fauté envers eux. Tu pardonnes aux gens, Allah te pardonnera. Attention, il ne faut pas tomber dans le piège. On ne parle pas du fait de pardonner à celui qui n'a pas fauté. On ne parle pas du fait de pardonner à ton fils qui vient le matin, il t'embrasse, il te fait voilà, un câlin, papa, bonjour, papa, je t'aime. Tu ne vas pas pardonner à lui. Tu ne vas pas pardonner à ton épouse qui vient, dès que tu rentres à la maison, tiens le repas chaud, toi tu aimes ça, tiens le gros morceau de viande, et ceci, cela. Qu'est-ce que tu vas lui pardonner à une telle épouse? Non, tu pardonnes à celui qui a fauté envers toi. Celui qui t'a fait du mal avec une parole ou un acte ou autre chose. C'est là où ça fait mal que tu dois pardonner. Si tu le fais, tu mérites, Inch'Allah, que le Seigneur des mondes te pardonne tes transgressions et tes péchés. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Faites miséricorde, on vous fera miséricorde. Et pardonnez, on vous pardonnera. » Soyez miséricordieux envers les gens, Allah sera miséricordieux envers vous. Pardonnez aux gens leurs fautes, leurs erreurs, leurs transgressions envers vous. Le mal qu'ils vous ont fait, le mal, encore une fois, c'est lourd, c'est dur. Il y a des gens qui disent que je ne peux pas. Tu ne peux pas, tu perds ça. Ce n'est pas haram de ne pas pardonner. Il faut bien se comprendre. Une personne t'a fait du mal, tu n'arrives pas à le pardonner, ce n'est pas haram. Et regarde qu'est-ce que tu perds. Tu perds le pardon d'Allah Azza wa Jal sur des péchés que tu as pu faire et que peut-être rien n'aurait pu te pardonner si ce n'est cet acte. Allah Azza wa Jal a dit « Et empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et vers un jardin dont la largeur est celle des cieux et de la terre, préparé pour les pieux. Ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans l'adversité, qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. » Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a incité les gens à courir derrière sa miséricorde et son pardon. Il a cité les attributs et les actes qu'ils peuvent accomplir. Parmi ceux-là, il a dit « Et pardonne aux gens. » Et à la fin des versets, Allah a dit « Ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur. » Donc ceux qui ont ces attributs, et parmi ceux-là, parmi ces attributs, le fait de pardonner aux gens. Donc, c'est la connexion. Donc, tu pardonnes aux gens, Allah te pardonnera. Tu es miséricordieux envers les gens, tu es bon envers les gens, Allah sera miséricordieux et bon envers toi. Donc, le sixième élément que je cite sans commentaire, c'est la survenue des épreuves et des calamités. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'est rien qui atteigne le croyant dans son corps et lui cause une souffrance sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses mauvaises actions. » Un certain cheikh a fait un livre sur les causes du pardon d'Allah Azza wa Jal. Et il a énuméré 52 causes. 16 causes tirées du Coran et 36 tirées de la Sunna. Cela nous prouve quoi? Pourquoi je cite ça? Pour vous dire que parmi les causes qu'Allah a établies pour le pardon des péchés, il y a 52. Et ce qui prouve que Allah Azza wa Jal a facilité à multiplier, à diversifier les causes par lesquelles Allah Azza wa Jal pardonne les péchés, c'est un des éléments qui nous prouve, qui nous enseigne, qui nous démontre qu'Allah Azza wa Jal est très pardonneur, grand pardonneur. Nous l'implorons subhanahu wa Azza wa Jal de nous accorder à nous tous sa miséricorde, sa clémence, son pardon à nous, à nos proches, à nos parents. À toute la communauté musulmane. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير بارك الله فيكم.